Lévis, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marie, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Ce week-end j'ai été super malade. Il se trouve que je vis dans un coin où il y a peu de médecins et mon médecin traitant n'était pas disponible ce jour-là. Alors du coup j'ai téléchargé Lévis. C'est une application de téléconsultation médicale vidéo. Ça a été ultra efficace quand j'étais coincée au lit. J'ai été prise en charge en quelques minutes par un médecin généraliste et dans la foulée j'ai reçu une ordonnance électronique. Je recommande Lévis pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin rapidement. Lévis, un médecin en quelques minutes. La division d'Emmanuel Suarez. Réalisation Sophie Haute-Picon. Quatrième épisode. Claire Pralin, ma mère, en sait désormais autant que vous. Elle sait que j'existe, que je grandis dans son ventre et cela remet tout en question. On aurait préféré qu'elle l'apprenne autrement que dans ce train qui devait la conduire de Pologne en Lituanie et dont on a voulu violemment la faire descendre, mais que voulez-vous ? Lors de son séjour à l'hôpital, elle a compris que quelqu'un voulait l'empêcher de mener ses recherches à leur terme et qu'il était prêt à tout pour l'arrêter. Alors elle a décidé de tout suspendre et de mettre, pour la première fois, un peu d'ordre dans sa vie. Mais pour le moment, elle pose un regard perplexe sur les cuillères en argent d'un grand salon de thé de la rue de Rivoli, où Thérèse de Mongeau lui a donné rendez-vous. Vous avez goûté celui à la rose? C'est supérieur. C'est assez insolite de vous retrouver dans un endroit pareil, Thérèse. Sacré contraste avec ma cuisine dans les bois, pas vrai? On va dire que je n'ai pas toujours vécu dans une ferme. Que je sais apprécier un peu de sophistication de temps en temps. Vous êtes une femme mystérieuse. Vous me flattez. Bon. Vous n'êtes pas venue à Paris pour me faire goûter des macarons? Et je serais pas étonnée que c'est un lien avec ma décision d'abandonner mon projet de thèse et mes recherches autour de votre frère. Alors Thérèse, va falloir lever un peu de votre mystère si vous voulez que je vous fasse confiance. Mais pourquoi arrêtez-vous, Claire? Vous alliez le retrouver. Je vous l'ai dit, j'ai des doutes sur la validité scientifique de ma méthode. Et je ne vais pas continuer à sillonner l'Europe de l'Est dans mon état. Vous n'êtes pas malade, que je sache. Ma mère continuait à ramasser son bois dans la neige jusqu'au 9e mois. Elle nous a sortis toutes seules, Bertrand et moi. Ouais, et les fans de Gengis Khan accouchaient sur leur cheval sans qu'on arrête la caravane. Alors désolée d'être une petite chose fragile, Thérèse. Mais une hémorragie dans un train de nuit me suffira. Je ne vous reconnais pas. Vous n'êtes pas heureuse de l'avoir, cet enfant? Je sais pas. Vous avez peur? Peur de lui? J'ai peur de moi. De moi avec lui ou elle. Je pense que c'est un garçon. Pourquoi votre mère vous a-t-elle eu seule tous les deux? Le père l'avait quittée à chaque fois? Nous sommes jumeaux, Bertrand et moi. Je ne vous l'avais pas dit? Bah non. Un mystère de moi. Pourquoi il a fait ça? La milice d'abord, et puis cette division. Je n'ai rien vu venir, vous comprenez? Rien. Pourtant, à cette époque, il suffisait que son nez le chatouille pour que j'éternue. On était comme ça, lui et moi. On avait 15 ans en 40, quand la France a capitulé. On n'y comprenait pas grand-chose, et puis ça changeait pas notre quotidien. La mère, elle essayait de nous garder en dehors de tout ça. Bertrand, il était marrant. Un bon petit gars, comme on dit. Et puis pas bête avec ça. Il rapportait plein de livres de la boutique de journaux où il était apprenti. Et on lisait côte à côte pendant des heures, quand on avait fini le travail. Moi, j'étais plutôt roman, et lui, poésie. Et puis en 42, la guerre est vraiment arrivée chez nous, dans le jardin. Une petite famille avec 4 enfants. On était juste au nord de la ligne. Vous vous souvenez, je vous avais montré. Leurs passeurs les avaient lâchés en pleine forêt. Le plus petit, il ne devait pas avoir 1 an. On les a cachés dans la grange à bois. Sans rien dire à notre mère. Histoire qu'ils passent la nuit au chaud. Au matin, ils n'étaient plus là. Et Bertrand non plus. Je me suis dit qu'il les avait aidés à passer lui-même. J'ai eu peur qu'il se fasse attraper. Il est parti 3 jours entiers. J'étais folle d'inquiétude. Et puis il est rentré. Il avait un uniforme noir. Avec une grosse ceinture, et un petit béret qu'il avait mis sur le côté. Je l'ai trouvé tellement laid. Tellement laid. On ne s'est jamais reparlé. On ne s'est plus jamais dit un mot jusqu'à ce qu'il parte avec ses copains. Claire, il faut le récupérer avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Je croyais que vous le détestiez. J'ai même eu peur que vous ayez l'intention de le tuer une fois qu'on l'aurait retrouvé. Je comprends plus, Thérèse. Mais je ne comprends pas tout non plus. J'ai consacré ma vie à suivre les traces de mon frère pour essayer de réparer ses saloperies, toutes les souffrances qu'il a dû infliger aux hommes qu'il a croisés sur son chemin, aux femmes surtout. J'ai recueilli, j'ai soutenu, j'ai tout donné aux victimes d'un crime dont je me sentais à moitié responsable. Mais ça ne m'a pas soulagée. Rien de ce que j'ai pu faire ne m'a jamais soulagée. Et si je m'étais trompée? Si toutes les suppositions sur lesquelles j'ai basé ma vie étaient fausses? Claire, vous devez m'aider à connaître la vérité. Je suis pas une dégonflée, Thérèse. Comme historienne, ça me scandalise toujours autant qu'on laisse un sujet aussi important dans l'ombre. Mais je suis pas forcément prête à y laisser ma peau, surtout maintenant. À votre avis, qui sont ces gens qui le recherchent? Les Polonais qui ont essayé de me jeter du train? Non, les Polonais ne nous intéressent pas, ce sont des hommes de main. Ils auraient été turcs si vous aviez pris le train à Istanbul. Non, il faut plutôt chercher du côté de votre fameux assistant à Berlin. Vous n'avez rencontré aucun autre Français? Non. Enfin, un type au bar un soir, rien de bien méchant. Il a pu avoir accès à des informations sur Bertrand cette nuit-là? Et merde! Tout était dans mon sac. Sur une chaise dans sa chambre d'hôtel. Les notes du procès pour viol, le nom de Lotte, son adresse. Prenez le matériel, cherchez l'argent. Allez, je vais finir ça. Nous, on s'occupe des archives. On commence par quoi, commandant? Février et mars 45. Le reste, on s'en fout. Tout ça, c'est des histoires de viol? Moins vous poserez de questions, et mieux vous vous porterez. Bien, commandant. Il y a des noms de Français. Et plein de photos. Je fais quoi? Vous mettez tout dans le sac. Dès que c'est français, on embarque. C'est légal, commandant? Évidemment, c'est des Français. J'ai les noms recherchés, commandant. De Mongeau, Fréchuret, Barrigo, Cadio et de Marsange. Bah. La pochette est vide. Y a plus rien, commandant. Oh, les salopes. Oh, les salopes. Bon, on change de tactique. Je vais attendre ces dames. Allez. Renvoie les Polacs à la caserne. Et toi, tu plantes dans la voiture. Bah, oh, je pars un peu avant. Tu veux faire la poussière aussi? On arrête tout. Hein? Rentrez à la caserne. Et merde. Vous parlez un peu français, je crois. Je parle français. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Nerozma vieznim, Anya. J'envoie un policier. Je vais appeler la police. Ne vous donnez pas cette peine. J'estime Spolici. Spolici? Vous êtes de la police? Interpol. Je suis sincèrement désolé pour tout ce désordre. Un malentendu. Mes hommes vont tout remettre en place, ne vous inquiétez pas. Ils en profiteront même pour rafraîchir la peinture. Pourquoi Interpol ici? De notre association? Nous faisons des recherches historiques sur les viols. Je connais le travail admirable que vous accomplissez. Une mission d'utilité publique, si vous voulez mon avis. D'ailleurs, je m'étonne que vous n'ayez pas plus de subventions. Je pourrais vous mettre en contact avec des amis à Bruxelles qui seraient ravis de vous aider. Qu'est-ce que ça l'est, indépendance, monsieur. Certes. Nous recherchons un dangereux criminel. Et on nous a dit que vous aviez des informations très utiles à nous transmettre à son sujet. Dans vos archives ou tout simplement votre mémoire. Bertrand de Mongeau, ce nom vous dit quelque chose? Bertrand? J'aimerais aussi savoir ce que contenait cette pochette avant qu'elle ne soit vidée de ses documents. Qui les a consultés? Qui les conserve désormais? Nous nous intéressons également à l'un de ses camarades, un certain Philippe de Marsange. Philippe? Que vous semblez avoir bien connu, Madame Brulot. Il y a une jeune femme qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas et pourrait constituer une menace importante pour la sécurité de notre pays et du vôtre. Bref, une petite discussion entre gens de bonne volonté, dont tout le monde sortira satisfait, ou du moins soulagé. Bertrand, criminel ? Les pires sont souvent ceux que l'on ne soupçonne pas. Lotte, nous n'avons pas le choix. Raconte. On pouvait adhérer. On pouvait adhérer. Moi, l'horreur. Merci d'être là, poulette. Ben non, attends, c'est normal. Qu'est-ce que t'es belle comme ça? Ça te va tellement bien. L'obésité? Arrête, tu rayonnes. Tu veux un truc à boire? Merde, oui, c'est vrai. À part de la vodka et de la vodka. Non, attends, il doit y avoir du coca ou un jus de quelque chose dans le frigo. Je vais aller regarder. Non, mais j'y vais, t'inquiète. Claire? Quelle bonne surprise. Vous êtes magnifique. Tout le monde me dit ça. C'est l'effet Casimir. Je rappelle aux gens leurs souvenirs d'enfance. Vous tombez à pic. Je vais pouvoir vous annoncer la nouvelle de vive voix. Tout a été accepté. Ah bon? Ils ont dit oui à la suspension de votre thèse avec maintien de la location. Et vous êtes très bien placé pour obtenir un poste d'ATR à Tolbiac. Non. En 20 ans, j'ai jamais vu ça. Il faut croire que vous avez des soutiens dans les hautes sphères. C'est peut-être mon côté martyr de la science qui les a apitoyés. Enfin, c'est inespéré. Et je vous avoue que ça ne me déplaît pas que vous enterriez ce sujet une fois pour toutes. Depuis le temps qu'il vous tire en arrière. Marc n'est pas là? Il va passer plus tard. Aucune idée. On ne s'est pas vu depuis un moment. Vous ne vous... Enfin, je veux dire, je ne comprends pas. Je croyais qu'il était le... Et non, il n'est pas le... Bien. Autant pour moi, je... Sylvain. Claire, je voulais vous présenter un vieil ami, Sylvain Frémont. Bonsoir. Sylvain est un de mes anciens étudiants, un des plus brillants d'ailleurs. Il travaille pour le ministère de la Défense à la coopération internationale. Vous êtes attaché à Berlin, n'est-ce pas, c'est ça? C'est cela, et dans toute l'Europe de l'Est. Claire Pralin, l'une de mes thésardes. Je crois beaucoup en elle. Même si ses recherches ont connu pas mal d'aléas. N'est-ce pas, Claire? Claire, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes toute pâle. Je me sens pas très bien. Excusez-moi. J'ai été enchanté de faire votre connaissance, Mademoiselle Pralin. Chez Thérèse de Mongeau. Si je ne vous réponds pas, c'est que je suis dans la forêt, ou au fond du jardin, ou alors que je dors avec mes bouchons. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Thérèse, c'est clair. J'aurais vraiment aimé vous parler. Enlevez vos bouchons, s'il vous plaît. Le type de Berlin, celui du bar, il est là. À 10 mètres de moi, dans une soirée, à Paris. Vous avez raison. On est dans la merde, votre frère et moi. Et peut-être vous aussi, je sais pas. J'ai peur, Thérèse. Mais j'aime pas la peur. J'emmerde la peur. Vous comprenez? Putain, mais décrochez, bordel! T'aurais du feu? Ah, désolée, Claire. J'avais pas vu que c'était toi. Ça va? Tu passes une bonne soirée? Super. Oh, super, non, j'avais chaud. J'avais chaud tout le temps. Tu sais, dans mon état, c'est... Tu bosses toujours sur ce type de la division Charlemagne qui a disparu à l'Est? Plus vraiment. Ça tenait pas la route, cette histoire. Encore un de mes moulins avant. Non, je te dis ça parce que la dernière fois, on dînait avec des amis de Jérôme et il a un vieux pote de Sciences Po qui bosse maintenant à l'ambassade de France, en Lettonie ou en Estonie, je sais plus. Oui. Il était à Paris pour les vacances et il a parlé d'un truc assez marrant qui m'a fait penser à ton bonhomme. Ah oui? Il y a une légende dans le coin d'un vieux Français qui se planque au fin fond de la taïga, ou la toundra, je sais plus, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour disparaître des radars. Et apparemment, les services consulaires sont obligés d'aller à sa recherche. En fait, tu peux pas échapper à ton pays. Jamais. C'est fascinant, non? Il s'appelle comment, le pote de Jérôme? Tu peux me filer ses coordonnées? Là, maintenant? Ambassade de France en Estonie, chancellerie diplomatique, j'écoute. Bonjour, je souhaiterais parler à Monsieur François de Rincy, s'il vous plaît. Ah, mais Monsieur François de Rincy travaille au consulat. Vous êtes à la chancellerie ici. Il faut appeler le secrétariat du consulat et demander le vice-consul. Vous pouvez me mettre en relation ou me donner le numéro? Ça va être compliqué, il y a tellement de services. Je vous conseille de contacter le Quai d'Orsay à Paris. Ils seront mieux à même de vous renseigner. Ou d'envoyer un télégramme. Ou un pneumatique. Un pneumatique. Vous avez marché. C'est extraordinaire. Vous avez vraiment marché. Oui. Oh, désolé, on a eu une longue soirée hier. Pas mal de boissons alcoolisées, si vous voulez savoir. Bien sûr que je vais vous passer François. On est à Tallinn, pas à Washington. Nous travaillons tous au même étage, pour ne pas dire dans le même bureau. Et encore, si vous aviez appelé il y a 2 ans, on était dans un hôtel. Dans un hôtel? Je vous assure. Il y avait les Anglais en dessous, les Italiens à côté et les Allemands au-dessus. C'était assez pratique, remarquez. Oui. Il n'y a que les Américains qui avaient acheté un bâtiment pour leur ambassade, comme d'habitude. Oui. Bon, mais je vous embête. Attendez. François? François? Tu as quelqu'un qui appelle de France. Tu peux la prendre? C'est qui? Je sais pas, j'ai oublié de lui demander. Vous vous appelez comment? Claire Pralin. Je travaille à la Sorbonne. Oh, génial! Ma belle-sœur y a fait ses études. Bonne journée. Consulat de France, François de Rincy, bonjour. Bonjour. Je suis une amie de Cécile Brunet, la compagne de Jérôme. Ah oui, Cécile, je vois très bien. Vous êtes collègue? Oui, on est toutes les deux en histoire, mais là je... Croyez-vous qu'on puisse connaître une personne rien qu'en entendant le son de sa voix? Ouais. La reconnaître même alors qu'on ne l'a jamais rencontrée. Si. C'est l'impression qu'a eue ma mère à l'instant où François de Rincy a prononcé ces quelques mots. Immédiatement, elle l'a vu. Et j'aurais besoin de des petites lunettes rondes, des yeux qui rient, pas vraiment beau, mais un charme fou, malgré un front étrangement dégarni pour un jeune homme de 29 ans. Une grande expertise en matière de droit international, aucune en ce qui concerne l'amour ou les femmes. Voilà. Vous savez tout. Il faut faire preuve d'une discrétion absolue. Je suis certaine que ceux qui recherchent de Monjo n'hésiteront pas à le faire disparaître. Alors, si j'ai bien compris, vous me demandez de mettre à votre disposition les moyens du consulat pour retrouver un hypothétique citoyen français disparu depuis 50 ans sans en avertir les autorités nationales. De mener à titre privé et dans le plus grand secret une enquête qui pourrait me coûter mon poste, voire ma carrière, et m'exposer à une bande d'inconnus aux visées criminelles. Oui, c'est à peu près ça. C'est oui. J'adore. Vous savez ce que j'ai fait cette semaine? J'ai tamponné 17 visas et bu 3 litres de vodka finlandaise. Et c'est tout. En une semaine. Ah oui? Non, la pratique de la diplomatie ressemble pas tout à fait à l'image que j'en avais. Et vous comptez arriver quand ? Il n'y a pas de vol direct, évidemment, mais le lundi et le jeudi, vous êtes à Tallinn en 5 heures en passant par Helsinki. Je vais plutôt venir en train. En train ? Vous avez bien raison pour la route. Je vais d'abord faire une escale à Hambourg. Lotte Brulot y sera pour un colloque avec des collègues allemandes, danoises et néerlandaises. J'aimerais bien les rencontrer. Faites attention. Vous ne savez pas ce qu'elle peut aller raconter à nos amis dès que vous aurez le dos tourné. Je leur fais confiance à ces femmes. Mais si ça peut vous rassurer, je leur ai rien dit de la suite de mon périple. D'ailleurs, avec le petit consul, vous êtes la seule à être au courant. Je préfère ça. Et puis Tallinn, via Vilnius et Riga. Ça va être long. Ah, j'ai besoin que ce soit long. J'en profiterai pour remettre le nez dans les lettres et les journaux de votre frère. Tiens, tiens, vous n'aviez pas décidé de changer de sujet et de jeter ces vieux papiers à la poubelle ? J'ai rien à lire en ce moment. Claire, je vous remercie de repartir à sa recherche. Mais ça m'inquiète que vous fassiez ce voyage toute seule. Mais je ne suis pas seule. C'est à cet instant précis que je suis venue au monde. Non, je ne suis pas née ce jour-là sur la moquette du salon de thé 3 mois avant le terme. Mais cette petite phrase de ma mère, qui pour la première fois accueillait la réalité de mon existence, marque à mon sens le début de ma vie. De ce jour, Claire s'est mise à me parler, souvent, une grande partie de la journée. Cela me réveillait parfois. Elle m'appelait « Globule ». Je sais pas pourquoi, puisqu'elle m'a ensuite nommé Thomas et que j'avais déjà presque toutes les caractéristiques physiques d'un humain complet. Tu vois, Globule, en prenant le train, on laisse aucune trace de notre passage. Pas de billet à ton nom, pas d'enregistrement de passeport. Les trains, c'est fait pour les vaches, pour les rêveurs et pour les enquêteurs incognito. L'escale à Hambourg fut brève. Le temps d'assister à quelques tables rondes et de déjeuner longuement avec Anya, Lotte et une poignée d'autres femmes. Je me souviens, je crois, d'une sonate pour voix féminine aux langues et aux accents disparates. Un seul thème, cependant. Les viols innombrables, presque systématiques, de femmes civiles par des soldats des armées de libération. Globule. T'imagines la chape de silence qui pèse sur ces femmes depuis toutes ces années? Comment te reconnaître comme victime quand tes bourreaux sont les héros qui ont sauvé le monde de la folie d'Hitler? Et pour les enfants, comment ne pas douter de tes origines quand tu es née en Allemagne entre novembre 1945 et la fin de l'année 1946? Et ça, c'est pareil pour tellement de Françaises, de Belges, de Britanniques. Et personne n'en parle, Globule. C'est un drame qui n'existe pas. Je sais pas qui est ton père, et on le saura sûrement jamais, mais je peux te jurer que tu as été conçu librement et dans la joie. La traversée de la Pologne et des pays baltes fut sombre. Le souvenir du premier voyage, peut-être, et de l'agression qu'on avait subie à peine 3 mois plus tôt. Ou peut-être les lettres de Bertrand que ma mère lisait et relisait, alors que le train traversait les lieux mêmes des premières batailles perdues par la division Charlemagne. Tallinn, vous dites ? C'est en Estonie, c'est ça ? Affirmatif, monsieur de Bouche. On sait qu'elle va y rencontrer un membre de l'ambassade. Elle a retrouvé la trace de Demongeau, ça ne fait aucun doute. Et si elle a mis le Quai d'Orsay au courant, on ne peut plus l'arrêter discrètement. Vous êtes cuit, Marsan. Une mouche dans du vinaigre. Il reste une solution. Commandant Pia. Monsieur le sénateur. Vous allez envoyer Frémont suivre l'historienne à la trace. Quand elle l'aura menée jusqu'à Demongeau, il remettra à ce dernier un message que je vais vous confier. Tenez. Messieurs. Commandant. C'était quoi ce petit message ? La dernière lettre de Philippe à son vieil ami Bertrand. Ils étaient proches, ces deux-là. Très proches. Assez proches pour se sacrifier l'un pour l'autre ? Ça dépend duquel. T'as pensé à prendre un gros pull, mon Gilo ? Ici, c'est l'automne, mais il doit déjà geler dans ces contrées. Pas peur du froid. T'as raison. Ça doit ressembler à notre Morvan, et c'est le climat que tu préfères. Oh, t'es mon petit gamin du Morvan. Oh, mais j'ai 50 ans, Mounette. Je sais, mon Gilo. Mais tu seras toujours mon gamin. Elle était comme toi, ma mère. Tu veux encore en parler ? Maintenant ? Pendant qu'on attend la voiture à Fanfan. Non, non. Elle n'était pas comme moi, ta mère. Elle était beaucoup plus jolie et plus jeune. Et puis, elle était fragile. Aussi fragile que toi, t'es costaud. On l'appelait la petite Martin. Ou la petite, tout simplement. Raconte-moi encore la nuit de la Saint-Jean. C'était en juin 44 et j'avais pas la tête à faire la fête. Je suis partie tôt. Il y avait Bertrand et sa bande de collabos. Ils avaient déjà pas mal bu. Et puis quelques gamins et gamines du village. Alors, il y a personne qui était là pour la protéger, la petite, quand ils l'entraînaient derrière l'église. Je l'aurais protégée, moi. Pour sûr, mon Julo, pour sûr. Si t'avais été là, il l'aurait pas approché. Mais t'étais pas encore là. Et pour cause. Quand t'es née, c'est moi qui me suis occupée de toi. Elle t'aimait, ça c'est sûr. Mais elle avait pas la force. Elle a préféré en finir. Je suis content d'aller voir Claire. Je l'aime bien, Claire. Moi aussi, mon Julo. Et puis on va voir quelqu'un à qui tu vas pouvoir enfin causer. À suivre. La Division, d'Emmanuel Suarez. Quatrième épisode. Avec Claire Dumas, Bernadette Le Sachet, François de Brouwer, Bartholomé Boutelis, Alain Rimoux, Régis Laroche, Jean-Édouard Botdiac, Clément Morinière, France Ducato, Lara Suyeux, Daniel Königsberg, Laurent Horry, Pierrick Tardieu. Et les voix de Yann Séverine, Victor Ponomareff, Laetitia Hipp, Emmanuel Suarez, Emma Santini, Sacha Judasco, Zachary Lebourg et Gabriel Desjean. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Jefferson Lambeil. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon.